modélisation climatique est un exercice complexe parce que le nombre de paramètres est très élevé, que plus on réduit la surface des mailles des modèles, plus la quantité de calculs devient exponentielle et inaccessible aux plus puissants ordinateurs. C'est peu ou prou ce qui arrive avec les nuages, dont on sait qu'ils ont à la fois un rôle thermorégulateur, un effet parasol qui empêche le réchauffement de l'atmosphère, et à l'inverse, un effet de serre qui l'augmente. Une récente étude s'est penchée sur une catégorie de nuages, les stratocumulus, qui, selon les chercheurs, pourraient être amenés à disparaître d'ici la fin du siècle et démultiplier le réchauffement de notre planète jusqu'à 8 degrés supplémentaires. Nuages, le temps se gâte, c'est le programme nébuleux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point sur nos connaissances en matière de nuages, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sandrine Bonny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace, également médaille d'argent du CNRS en 2018. Et François-Marie Bréon, bonjour. Bonjour. Chercheur en climatologie au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, également à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous pouvez suivre cette émission comme bon vous semble, en direct, en différé, en podcast, mais toujours en complément via notre fil Twitter où nous allons poster non seulement de très belles photos de nuages, on aurait tort de s'en priver, mais également un certain nombre de liens vers des sources, vers des articles, vers des schémas qui vont illustrer le propos et les propos qui vont se tenir à ce micro pendant l'heure qui vient. Pour commencer, eh bien, maîtriser les nuages, faire tomber la pluie, c'est un peu un rêve vieux comme l'humanité. Nous avons retrouvé cette archive qui date de 1957, archive qui témoigne d'expériences qui ont été menées au Puy-de-Dôme par le directeur de l'Observatoire de Clermont-Ferrand. Écoutez. Les chutes de neige observées ces jours derniers par les Clermontois ont effectivement été provoquées par l'essai d'un nouvel appareil construit à l'Observatoire du Puy-de-Dôme. Malgré tout l'intérêt qui s'attache à la dissipation des brouillards givrants, cet appareil est en fait plutôt destiné à notre prochaine campagne d'essai de prévention de la grêle. Cependant, les expériences de ces jours derniers nous ont permis des observations que les essais analogues tentés depuis 10 ans n'avaient pas dégagées. D'une part, une émission de fumée d'iodure d'argent portant sur 5 grammes de produit et effectuée mercredi à 17h a provoqué la chute d'un millier de tonnes de neige le lendemain à partir de 7h. Ce qui montre la persistance d'efficacité des fumées pendant plus de 14 heures. D'autre part, la diffusion du produit n'a porté en 14 heures que sur une surface de 5 km² autour de l'observatoire. Et ceci montre la permanence d'une pollution locale dans certaines situations météorologiques. Voilà cette archive de la radiodiffusion française en 1957 sur la volonté de faire tomber de la neige en envoyant de l'iodure d'argent dans les nuages. C'est une technique que l'on découvrait, c'est une technique éprouvée aujourd'hui. Sandrine Bonny, votre réaction à cette archive ? Le contrôle des nuages par l'activité humaine peut se faire de cette façon, mais c'est un peu difficile de mettre en évidence vraiment l'impact de cette technique-là sur les nuages. Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à comment les nuages se forment naturellement et comment ils peuvent répondre à une perturbation du climat à grande échelle, telle que le réchauffement climatique. François-Marie Bréon. Pour répondre directement, non, ce n'est pas une technique éprouvée. Il n'y a pas de programme à grande échelle où on utilise cet ensemencement des nuages par des iodures d'argent pour faire pleuvoir à un endroit donné. Donc on sait que les aérosols du type iodure d'argent ont un impact sur les nuages. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on ne contrôle pas encore suffisamment les choses et puis ce n'est pas localisé suffisamment pour que ça ait des applications réellement utiles. On aura peut-être le temps de revenir tout à l'heure sur ces tentatives ou ces techniques de géo-ingénierie. Ce qui va effectivement nous intéresser tout au long de cette heure, c'est surtout les liens qu'il peut y avoir aujourd'hui entre les modifications du climat terrestre actuel et la couverture nuageuse, la nature de ces nuages. Comment s'établissent ces liens? Qu'est-ce que l'on peut en dire? Et j'aimerais justement, pour commencer cette émission, votre réaction à cette étude que j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction, publiée le 25 février dans Nature Geoscience, étude qui estime qu'à 1200 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, c'est 3 fois la concentration actuelle, il faut le préciser, eh bien les stratocumulus disparaîtraient et entraîneraient ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive qui conduirait à une augmentation drastique des températures jusqu'à plus 8 degrés. C'est une étude qui a été assez discutée. Quelle est votre opinion, Sandrine Bonny, sur cette étude? Alors cette étude, met en lumière le rôle important des nuages dans la régulation de la température de la planète. Et ça, c'est une chose qu'on sait depuis longtemps. Ça fait plus de 40 ans que les gens travaillent sur ce sujet. On sait qu'une petite modification des nuages, du type de nuages en présence ou des propriétés des nuages en présence, peut avoir un très gros impact sur la température de la Terre. Et notamment, les nuages bas ont un rôle particulièrement important dans la régulation de la température. C'est le cas des stratocumulus, qui sont des nuages bas. Voilà, les stratocumulus sont un des types de nuages bas. On fera le distinguo tout à l'heure. C'est seulement un type de nuage présent sur Terre. Donc cette étude met l'accent sur la réponse de ce type particulier de nuages, mais il y a beaucoup d'autres types de nuages qui interviennent, et donc je pense que si cette étude elle mérite d'attirer l'attention sur l'importance de la réponse des nuages dans les basses couches sur la régulation de la température, je pense qu'elle a aussi un certain nombre de limitations, et donc notamment par le fait qu'elle ne représente pas les autres types de nuages et qu'elle ne représente pas des effets importants aussi qui peuvent jouer un rôle dans la régulation de la température de la planète. Qu'il est peu signifiant, ce que vous dites, c'est qu'il est peu signifiant de se concentrer sur un seul type de nuage lié au réchauffement climatique, que s'il y a une augmentation à ce point-là de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, ça aura des effets à rebondissement sur tous les types de nuages et pas uniquement sur cette classe de nuages spécifiques que sont les stratocumulus. Exactement, et puis on sait que les nuages sont très liés à ce qu'on appelle la circulation générale de l'atmosphère. C'est-à-dire ces grands mouvements d'air à grande échelle. Et cette étude découple très fortement les nuages de la circulation à grande échelle, ne prend pas en compte ces interactions. Et donc, il peut y avoir beaucoup d'autres mécanismes qui peuvent contrecarrer les faits discutés dans cette étude pour cette raison-là. François-Marie Bréon. Ouais, puis je voudrais insister sur le fait que 1200 ppm là, de concentration de dioxyde dans l'atmosphère, c'est virtuellement certain que c'est quelque chose qui n'arrivera pas pendant ce siècle-ci. Moi, j'espère que c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Le calendrier, pour préciser pour les auditeurs, c'est 2104, la date précise qui est annoncée dans l'étude. La date précise, elle dépend du rythme d'augmentation, donc du rythme de brûler du charbon, du pétrole et autres gaz naturels. Donc ça, on n'a absolument aucune visibilité sur qu'est-ce qui va se passer au-delà des 20 ans à venir. Et donc, c'est à peu près certain que ça ne sera pas ce siècle-ci. Même moi, je pense, j'ai suffisamment confiance dans l'espèce humaine pour me dire que on va prendre des mesures pour que ça n'arrive jamais. Et puis, si jamais ça arrivait, il faut bien voir qu'on aurait un tas de trucs extrêmement désagréables qui se produiront avant que ce niveau de CO2 soit atteint. Le modèle qui est suivi, c'est le modèle qu'on appelle business as usual, BAS, c'est-à-dire en se basant sur le fait que nous continuons à produire et l'augmentation de la production de CO2 atmosphérique est calquée sur celle d'aujourd'hui. Je crois même qu'elle continue à augmenter, en fait. Oui, c'est ça. C'est les concentrations qui, même à émissions constantes, vous avez des concentrations qui continuent à augmenter, mais même là, on suppose que les émissions vont continuer à augmenter, alors que normalement, les accords de Paris disent qu'on arrête d'augmenter au moins avant 2030. Quoi. Bon, ça, c'est pour cette étude particulière. Plus généralement, un mot, Sandrine Bonnier, aujourd'hui, les rétroactions entre les modifications climatiques au sens large, pas uniquement le réchauffement, le bouleversement climatique et l'évolution des nuages, aujourd'hui, est-ce qu'elle est bien documentée? Est-ce que c'est au contraire un continent qui est encore un peu inconnu? Où on en est justement de la maîtrise de ces interactions très fines, très pointues et, comme je l'expliquais tout à l'heure, complexes à modéliser? Alors, les nuages jouent un rôle très important dans la régulation de la température de la planète parce qu'ils sont à l'origine de ce qu'on appelle des mécanismes de rétroaction. C'est-à-dire que lorsque la concentration de gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère, ça tend à réchauffer la planète un petit peu, et ce réchauffement tend à modifier beaucoup d'autres choses dans l'atmosphère, à commencer par la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, par exemple, qui tend à augmenter dans un climat plus chaud. Alors, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, donc l'augmentation de la vapeur d'eau tend à amplifier l'amplitude du réchauffement. Le réchauffement peut aussi faire fondre les glaces polaires, par exemple, ou la neige, ce qui va diminuer la réflexion du rayonnement solaire par la neige ou la glace, et amplifier également l'amplitude du réchauffement. Et puis enfin, le réchauffement peut peut affecter les nuages, donc la distribution des nuages, les différents types de nuages en présence. Or, les nuages ont un très gros impact sur la température, d'une part parce qu'ils réfléchissent le rayonnement solaire, comme vous disiez tout à l'heure, donc ils créent un effet de parasol, si vous voulez. Et d'autre part, ils interagissent aussi avec le rayonnement infrarouge et donc contribuent à l'effet de serre, ce qui a au contraire un effet réchauffant sur la planète. Et l'importance relative de cet effet de refroidissement et de réchauffement des nuages dépend du type de nuage en présence. C'est donc les nuages sont élevés, épais, se forment dans les basses couches, etc. etc. Donc, anticiper la réponse des nuages au réchauffement climatique global, c'est assez complexe parce que tous les nuages ne répondent pas de la même façon. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Cela dit, c'est un élément extrêmement important pour les sciences du climat et la communauté scientifique travaille sur ces sujets-là depuis très longtemps. Et donc, il y a certains mécanismes de réponse qu'on commence à bien comprendre. Oui. François et d'autres qui restent très incertains. Très incertains. Ouais. François-Marie Bréhon, c'est un travail, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ces rétroactions très complexes, le système atmosphérique est un système extraordinairement complexe et que on en connaît toutes les variables et on sait que si on augmente telle variable, ça aura telle répercussion sur toutes les autres. Aujourd'hui, c'est très compliqué, même avec des ordinateurs très puissants et des modèles très très performants. Il y a des choses qui sont très, très compliquées et les nuages font partie de ces choses très compliquées. Peut-être parce que les nuages fonctionnent à toutes les échelles d'espace et de temps. Il faut bien voir que le processus de formation d'une goutte d'eau, c'est quelque chose qui est vraiment microscopique, et alors que les nuages ont des extensions spatiales qui font plusieurs centaines de kilomètres. Donc il faut être capable de modéliser en même temps ce qui se passe vraiment à l'échelle microscopique et puis ces effets qui sont au contraire de très large échelle. Donc c'est ça qui rend les choses très compliquées. La méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h10 sur France Culture, nous parlons donc des nuages et de leur lien avec le réchauffement climatique. Nous en parlons avec Sandrine Bonny et François-Marie Bréhon, qui sont deux climatologues qui travaillent à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Peut-être alors revenir un peu pour comprendre cette complexité, pour comprendre la diversité et l'ensemble de ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour comprendre ces liens entre réchauffement climatique et nuages. Qu'est-ce que c'est qu'un nuage, Sandrine Bonny? Revenons au début. Un nuage, c'est un ensemble de petites gouttes d'eau ou de cristaux de glace qui se forme suite à la condensation de la vapeur d'eau qui est dans l'air. Et cette condensation, elle se produit généralement quand la masse d'air se refroidit. Et ce refroidissement peut se produire généralement parce que la masse d'air s'élève et en s'élevant, elle se refroidit. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent induire le refroidissement d'une masse d'air. Ça peut être quand une masse d'air est soulevée mécaniquement par un relief, par exemple, ou ça peut être sous l'effet d'une instabilité, quand par exemple il y a de l'air chaud et humide près de la surface, qui est plus chaud que son environnement, il tend à s'élever, la masse d'air tend à s'élever et l'eau à l'intérieur condense. Et ça forme des nuages. On pourrait faire une sorte un peu de carte d'identité générale. On dit en général, François-Marie Bréhon, qu'il y a une dizaine de types de nuages. En fait, il y en a beaucoup plus, mais disons qu'il y a 10 grandes catégories qui sont les catégories principales, les autres étant un peu plus anecdotiques en termes de fréquence. Ouais, il y a des catégories qui sont d'abord basées sur l'altitude à laquelle on les trouve, entre les stratus, les cumulus, les cumulonimbus, leur extension verticale. Et peut-être aussi ce qui est important, c'est la manière dont ils se forment. Il y en a qui se forment parce que simplement l'air est à peu près stable, mais simplement elle se refroidit de manière radiative et donc ça va former un nuage de type brouillard. Et puis il y a d'autres. C'est-à-dire des nuages très bas? Pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que l'air n'est pas tellement au mouvement et simplement l'air se refroidit simplement en émettant du rayonnement infrarouge. Et puis il arrive à un moment où la température de l'air arrive au point de condensation et donc la vapeur d'eau se transforme en gouttelettes d'eau. Puis au contraire, vous avez des nuages qui se forment par des processus convectifs, c'est-à-dire que l'air est en mouvement, l'air monte, et donc arrivé là aussi en montant, elle se refroidit, puis à un moment, ça va condenser parce que l'air devient trop froid. Et puis il y a un dernier type de nuage qui est simplement lorsqu'il y a un mélange de deux masses d'air. Si vous prenez une masse d'air qui est froide et légèrement humide, et puis une masse d'air qui est chaude et légèrement humide, même si ces deux masses d'air sont sans nuages, quand vous les mélangez, ça va faire un nuage. C'est ça qui est formidable. Et peut-être un point qui va intéresser les auditeurs sur lequel je voudrais insister, c'est que un nuage, c'est très peu d'eau, en fait. Si vous prenez un nuage dans le ciel, vous prenez toute son eau et que vous la déposez au sol, eh ben, vous avez une flaque qui fait à peu près un millimètre d'épaisseur, en fait. Donc, c'est très peu d'eau qu'il y a dans les nuages. Comment se fait justement la répartition de ces nuages? Parce que ces nuages, ils sont différents, ils se comportent différemment. Ils ne seront pas tous chargés, effectivement, de la même quantité d'eau. Il y en a qui provoquent des précipitations, un certain type de précipitation. Comment s'est établie cette classification, Sandrine Bonny? La distribution des différents types de nuages à la surface du globe est très liée à la circulation de l'air à grande échelle, donc les mouvements montants, descendants de l'air à très grande échelle, ce qu'on appelle la circulation générale de l'atmosphère. Donc dans les zones tropicales, par exemple, on a des sortes de très grandes cellules où l'air monte en moyenne dans les zones les plus chaudes au niveau de l'équateur et puis redescend au niveau des zones subtropicales. Donc dans les zones, dans les branches ascendantes de cette cellule, on a plutôt tendance à avoir des nuages très étendus verticalement du type cumulonimbus. Ce sont les nuages à orage, hein, typiquement. Voilà, qui peuvent donner des orages. Alors que dans les zones qui correspondent à la branche subsidente de ces cellules, donc là où l'air descend en moyenne, on va avoir plutôt tendance à former les nuages que dans les basses couches de l'atmosphère, où l'air est humidifié par la turbulence qui est près de la surface et se refroidit un petit peu lorsqu'il monte. Et là, on a des nuages bas du type stratus ou stratocumulus ou petit cumulus. Et les petits cumulus sont de loin les nuages les plus fréquents à la surface de la Terre. On va faire deux choses, on va vous mettre sur le fil Twitter de l'émission à la fois le lien vers l'émission que nous avions consacré justement au courant atmosphérique et à ces mécanismes que vous décrivez. On avait passé une heure à discuter de cela, et puis on va vous mettre aussi le lien vers l'émission que nous avions consacré précisément aux orages et à ces fameux cumulonimbus qui peuvent monter jusqu'à 12 km d'altitude et qui sont typiquement des nuages d'orage. Il y a aussi des nuages, alors qu'on voit souvent, qui font des photos magnifiques que l'on peut trouver sur internet et s'extasier devant ces vidéos, qui sont plus rares. Je pense à l'Asperatus, cette espèce de nuage, de vague. Est-ce que c'est vraiment des exceptions atmosphériques? Est-ce que c'est des formes particulières d'autres types de nuages? Qu'est-ce que c'est que ces nuages, François-Marie Bréhon? Vous parlez des nuages d'ondes. Par exemple. Moi, je dois dire que j'ai une relation très, très particulière avec ces nuages, donc je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est des nuages qui sont formés par la circulation atmosphérique au-dessus des montagnes. Et en fait, ça fait une espèce de vagues, et donc une vague, donc ça veut dire que l'air monte et descend, et donc il y a le processus que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au moment quand l'air monte, en montant il se refroidit, et donc il peut arriver à un niveau où ça condense parce que l'air est trop froid. Et donc ça, c'est des nuages qui se forment quand il y a beaucoup de vent, mais pour il y a beau avoir beaucoup de vent, ce sont des nuages qui sont fixes par rapport au sol. Et donc je disais que j'avais une relation particulière avec ces nuages-là, parce que moi, dans mon jeune temps, j'ai fait du planeur, et en fait, en planeur, on va se positionner juste à l'avant de ces nuages-là, donc c'est un endroit où l'air monte, et donc on peut monter comme ça à plus de 10 km dans l'atmosphère en restant fixe par rapport au sol, en fait, parce qu'on se met face au vent, et donc on annule la composante horizontale du vent et on ne garde que la composante verticale, et on peut ainsi monter très haut sans utiliser de carburant. On a beaucoup, beaucoup progressé sur nos connaissances des nuages. Aujourd'hui, quelles sont les méthodes d'étude des nuages? Parce qu'on peut les étudier depuis le sol, on peut les étudier avec des sondes, on peut les étudier depuis l'espace. Il y a vraiment toute une gamme d'outils aujourd'hui qui nous permettent maintenant de pouvoir mieux les comprendre et mieux comprendre comment ils fonctionnent, Sandrine Bonny. Effectivement, maintenant, on a tout un éventail d'outils pour observer les nuages. On peut les observer in situ, bien sûr. Par exemple, au sommet de l'observatoire, au sommet du Puy-de-Dôme, où il y a un observatoire, vous passiez tout à l'heure un extrait du directeur de l'observatoire. On peut faire des mesures dans les nuages in situ, parce que le nuage se forme au niveau de l'observatoire. Donc, on peut mesurer ses propriétés, la taille des petites gouttes de nuages. On peut mesurer tout un tas de choses comme ça. On peut également observer les nuages à distance avec des instruments tels que des radars ou des lidars, c'est-à-dire des lasers, qui nous donnent aussi des tas de renseignements à la fois sur la présence des nuages, mais aussi sur leurs propriétés. Et puis, bien sûr, on peut observer les nuages par observation spatiale et avec différents types de satellites. Donc là encore, des satellites. On peut avoir des radars à bord de satellites, on peut avoir des lidars, on peut avoir des imageurs. Et avec ces différents satellites, on peut obtenir différents types d'observations sur les nuages. Quels sont justement quel type d'observations? Ce sont des observations effectivement juste radar lidar. Il y a aussi des envois de sondes. Comment est-ce qu'on peut modéliser finalement un nuage depuis l'extérieur de ce nuage, Sandrine Bonny? Alors l'observation et la modélisation sont deux choses un petit peu différentes. Les observations sont très utilisées d'abord pour décrire la distribution des nuages dans l'atmosphère. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on est capable de dire à quelle altitude, comment les nuages se répartissent en altitude. C'est depuis qu'on a des radars et des lidars dans l'espace qu'on est capable d'avoir une idée de la distribution verticale des nuages. Parce qu'autrement, c'est juste avec des images dans le domaine du rayonnement visible ou infrarouge, on pouvait savoir où il y avait des nuages, mais on ne savait pas nécessairement à quelle altitude précisément étaient les nuages, et s'il y avait des couches nuageuses en altitude, on ne voyait pas ce qu'il y avait en dessous. Donc ça fait depuis 2006, qu'on a des satellites qui s'appellent Calypso CloudSat, qu'on peut avoir vraiment une bien meilleure description de la distribution verticale des nuages. Qui font partie d'un réseau satellitaire. Il y a différents types de satellites qui font partie d'un réseau qui couvre l'ensemble du globe et qui permettent d'avoir des approches cumulatives, en quelque sorte. Voilà, ces deux satellites font partie de ce qu'on appelle une constellation de satellites, avec différents satellites, chacun embarquant un instrument différent. Et donc l'ensemble de ces satellites donne des informations complémentaires sur l'atmosphère. Certains satellites mesurent la vapeur d'eau, d'autres le rayonnement, d'autres les nuages, etc. François-Marie Briand, sur ces différents outils et typologies d'outils pour pouvoir avoir une image complète. En fait, l'observation des nuages par satellite, ça a commencé typiquement il y a une cinquantaine d'années. Donc avec des images, on prenait un peu, c'était pas des photos, mais c'est un peu l'équivalent des photos. Et aujourd'hui, on a vraiment, par exemple, tout le monde sait ce que c'est qu'un cyclone avec cette image un petit peu de la rotation. Mais ça vient justement des observations de satellites. Imaginez que notre vision des cyclones avant ces satellites était complètement différente. On avait absolument pas cette vision circulaire, même si on s'en doutait bien parce que les observations de sol permettaient de le voir. Donc vous avez parlé de cette constellation de satellites. En fait, il y a une série de satellites qui sont fixes par rapport à la Terre au niveau de l'équateur, et donc qui permettent d'avoir en permanence une observation de l'ensemble des nuages du globe, à l'exception des zones vraiment polaires. Et donc là, il y a effectivement un réseau qui permet de suivre l'ensemble des nuages. Ça prend des images typiquement toutes les demi-heures, donc on peut suivre l'avancement des nuages. Et puis, donc effectivement, il y a ces autres instruments dont Sandrine a parlé il y a quelques instants, qui, eux, apportent vraiment une vision beaucoup plus détaillée sur la verticale, en fait. Donc on n'a pas cet aspect imagerie, mais au contraire, on a une vision 2D le long de la trace du satellite, comme une coupe, c'est exactement ça. Et donc, ça permet de sonder en profondeur comment se distribuent les nuages, donc, et d'avoir leur information sur leur altitude, aussi bien la base que le sommet. Quels sont les nuages qui précipitent? Est-ce qu'on peut faire des liens entre la hauteur du sommet du nuage et puis l'occurrence des précipitations? Voilà. Et puis aussi, il y a une information sur les nuages que j'apprécie beaucoup, c'est les radars qui sont au sol, et donc qui nous donnent des informations un peu en temps réel, surtout sur les nuages précipitants, et donc qui sont extrêmement utiles sur la météorologie. Si vous voulez prendre votre vélo, regardez le radar, ce que ça donne, pour savoir si il y a un grain qui vous arrive dessus ou pas. Le radar ou le lidar d'ailleurs, parce qu'il y a des lidars au sol qui étudient les nuages. Alors, aussi, non? Ouais, mais là qui donne une information uniquement locale, quoi. Le lidar va vous dire vraiment à quoi ressemble le nuage uniquement au-dessus de vous, alors que le radar permet un tir laser juste à la verticale, que le radar vous donne des informations sur une distance beaucoup plus étendue. Alors justement, pour essayer de comprendre, puisque c'est ce qui va nous intéresser, comment l'étude des nuages s'intègre au modèle climatique et comment ces modèles climatiques prévoient l'évolution du climat terrestre dans les années à venir en fonction du réchauffement, nous sommes allés voir en gros ce qu'on pourrait appeler des chasseurs de nuages, direction le plateau de Saclay, Tom Imdensok, sur le CIRTA, le site instrumental de recherche par détection atmosphérique qui sonde les nuages depuis le sol. Bonjour Tom. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. J'ai rencontré Christophe Pietras, ingénieur de recherche et responsable technique de l'observatoire CIRTA à Palaiseau. On opère là-bas des mesures de la météo et du climat au quotidien, mais aussi au cours de campagnes qui peuvent durer plusieurs années. L'enjeu est de mettre à disposition les données de près de 1000 variables qui permettent de modéliser l'évolution du climat local et global. Sur place, Marjolaine Chiriaco, chercheuse au laboratoire Atmosphère, Milieu, Observation Spatiale, m'a expliqué quels instruments étaient dédiés à l'observation des nuages et comment on anticipe leur progression. Donc là, on est en voiture, on est parti du laboratoire de recherche sur l'école polytechnique. Et l'observatoire se situe sur l'extrémité du campus de l'école, à un endroit où on est assez dégagé des bâtiments qui permettent des mesures météorologiques de qualité. Pourquoi est-ce qu'il faut s'éloigner des bâtiments ? Parce que si vous voulez mesurer en fait la situation, on va appeler cette situation normale, c'est-à-dire une situation d'un vent d'ouest par exemple, qui va être dépourvu de l'influence de la circulation, de l'influence des villes, de l'influence même de la circulation automobile sur le plateau de Saclay, sur le campus, eh bien il vous faut un environnement justement. Et si vous mesurez le rayonnement solaire par exemple, il vous faut pas une influence des bâtiments. Donc il faut une zone assez dégagée, ce qui était le cas à l'école polytechnique il y a 10 ans, c'est un peu moins vrai depuis que beaucoup de laboratoires de recherche et beaucoup de personnel doivent venir sur le plateau de Saclay pour travailler. Donc ici, nous sommes sur l'observatoire CIRTA, sur une des plateformes météorologiques de l'observatoire, où l'on déploie beaucoup de capteurs, plus de 150, pour paramétrer plus de 1000 observables dans l'atmosphère. Et on a des bungalows, une dizaine de bungalows, et sur le toit, on va pouvoir mettre les équipements qui vont observer l'atmosphère à la verticale. Et comment est-ce que vous faites pour récolter des informations au sujet de la composition de l'atmosphère ? Ça, c'est un laboratoire également partenaire de l'observatoire CIRTAX, qui est le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui se trouve à 5 km d'ici, qui eux sont spécialistes de ce type d'équipement, et qui vont pouvoir calibrer ces équipements-là, les maintenir, les surveiller. Et par contre, les données sont collectées et les données sont transmises dans la base de données du CIRTA, puisque si on veut faire des études climatiques, en fait, le cœur de l'observatoire, c'est vraiment la base de données, c'est-à-dire là où on va stocker l'ensemble des informations, des paramètres, et ces informations-là sont sur une base de données unique et qui seront accessibles aux chercheurs et qui sont même accessibles au grand public. Quel type de capteur, quel type d'instrument est-ce qu'on favorise quand on veut observer l'évolution des nuages ? Alors, c'est essentiellement des capteurs qui utilisent la télédétection, c'est-à-dire une mesure à distance. Alors, il y a deux types de télédétection. Il y a la télédétection passive, c'est-à-dire qu'on mesure le rayonnement naturel d'un corps qui émet. Là, le corps qu'on va étudier, c'est l'atmosphère, c'est les nuages. Et puis, il y a la télédétection active. Donc là, c'est on émet une onde dans l'atmosphère. Elle interagit avec des choses qu'elle va rencontrer. Donc là, les nuages. Et il y a une partie de cette onde qui revient en arrière vers l'instrument. Ça s'appelle la rétrodiffusion. Et en fonction de ce qu'on va obtenir comme signal en rétrodiffusion, on va en déduire des choses sur ce que notre onde a rencontré dans l'atmosphère. Donc l'intérêt de ce type de mesure pour les nuages, c'est qu'on va avoir une information sur ce qui se passe sur la verticale, c'est-à-dire à quelle altitude est le nuage, quelle est son opacité, ça c'est important pour le climat et pour la météo, quelles sont ses propriétés, jusqu'à quelle altitude il monte, etc. Donc typiquement, ça va être des radars, ça c'est des choses que les gens connaissent beaucoup, ou des lidars qui fonctionnent sur le même principe, mais c'est une onde laser et donc qui est émise et qui interagit avec le nuage. Alors quel temps est-ce qu'il fait aujourd'hui et est-ce qu'on peut l'observer sur le graphique, le tableau qui s'affiche sur l'écran devant nous ? Donc le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est particulièrement perturbé, beaucoup de vent, avec une situation atmosphérique très turbulente, c'est-à-dire beaucoup de vent, que ce soit au sol, mais beaucoup de vent aussi en altitude. Donc les nuages, en fait, traversent le site, passent à la verticale de nous, mais les instruments voient cette situation en direct, puisqu'on observe la verticale. Là, on entend le vent. Le vent, et là, on entend l'instrument micro-ondes, justement, qui a besoin d'un chauffage. Pour pouvoir évacuer les gouttelettes d'eau sur son antenne. Donc on a un chauffage qui permet à l'instrument de fonctionner. Alors qu'est-ce que c'est cet instrument ? Donc, celui-ci, c'est l'instrument dont on a vu les données tout à l'heure qui permettent de mesurer l'eau sous forme vapeur ou l'eau sous forme condensée. Et derrière lui, on a l'instrument de type radar qui lui émet une onde électromagnétique donc à la verticale et qui a deux antennes dans son coffre, deux antennes qui vont récupérer cette onde qui a été perturbée par les observables au-dessus du site. À partir de cet instrument, on va vraiment reconstituer des coupes de l'atmosphère nuageuse et on va détecter les nuages les plus denses Et à partir de ça, en appliquant des algorithmes et en utilisant des codes, on va également pouvoir faire ce qu'on appelle inverser les données et récupérer des informations géophysiques comme la taille des gouttelettes, leur distribution, la vitesse de chute aussi, à quelle vitesse elle tombe, à quelle vitesse il pleut. Des nuages bien denses, bien opaques, ça, le radar, c'est ce qu'on lui donne à manger, donc il n'y a pas de souci. Alors là, juste derrière, un lidar qui est fait plutôt pour les basses couches, plutôt pour détecter la base des nuages. Alors ça, ça va plutôt être fait pour détecter les petites particules, c'est-à-dire les nuages ou les couches d'aérosol constituées de particules de petite taille. Et par contre, quand le nuage va devenir très épais, le lidar passera plus à travers. Mais par contre, il détectera la base de n'importe quelle couche. Mais il passera plus à travers, alors que le radar va pas détecter les couches très fines, mais il détectera en entier les couches très opaques. Donc c'est deux types de télédétection active complémentaires. Voilà le reportage au CIRTA sur l'étude des nuages depuis le sol. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, François-Marie Bréhon? Ça fait plaisir d'entendre les collègues parler à la radio. En dehors de ça, sur la nature de ce qui est dit. Eh ben oui, je pense que c'est une bonne description de ce qui est peut être fait depuis le sol, sachant qu'on a à peu près l'équivalent qui peut être fait par satellite. Hein. Donc là, on a décrit une observation depuis le sol très précise des nuages. On peut le faire depuis l'espace de manière un petit peu moins précise parce que c'est quand même plus compliqué. Le satellite bouge très vite. On est plus loin, donc la puissance du laser est moins bonne. Mais cette observation depuis l'espace peut être faite vraiment de la même manière. Sandrine Bonny, sur ce reportage ou sur, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'outillage technique est suffisant, que ce soit du sol, de l'espace, par sonde, pour avoir une compréhension globale de tous ces phénomènes-là, ou est-ce qu'il manque encore, est-ce qu'on peut gagner encore en précision dans ce type de technique et d'outillage? Alors la technologie pour observer les nuages a fait énormément de progrès les dernières années. Le fait qu'on puisse maintenant utiliser des radars, des lidars notamment pour observer les nuages nous a permis d'apprendre énormément depuis le sol comme depuis l'espace. Maintenant, si on veut continuer à comprendre la physique des nuages et savoir comment ils répondent à une perturbation du climat, il faut pouvoir les observer pendant longtemps. Or, tous les satellites ont une durée de vie finie, et ils fonctionnent en général quelques années, des fois jusqu'à 10 ans ou un peu plus, mais si on veut pouvoir étudier l'évolution à long terme des nuages, il faut pouvoir assurer un renouvellement des observations satellites, et ça c'est toujours, c'est toujours un challenge, je dirais. C'était la nocturne de oups, ça commence bien, dites donc. Et ouais, moi aussi j'ai du mal à revenir dans l'émission. Allez hop, c'était la nocturne L98 de Debussy, Nuages par l'orchestre Les Siècles, puisque nous parlons des nuages tout au long de cette heure en compagnie de Sandrine Bonny, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace, et avec François-Marie Bréon, qui est chercheur en climatologie et au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement également à l'Institut Pierre-Simon Laplace. On va parler dans cette deuxième partie justement du lien entre le réchauffement climatique, les nuages, ces effets de rétroaction, avec toujours cette question de savoir qui de la poule ou de l'œuf, d'où vient le point de départ finalement de ces mécaniques climatiques qui se mettent en route et qui contribuent à amplifier ou au contraire à minimiser ces effets de réchauffement climatique. Avec peut-être un mot pour commencer, Sandrine Bonny, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive, est-ce qu'on arrive à intégrer avec ces instruments dont nous parlions tout à l'heure, avec ces modèles informatiques de plus en plus puissants que nous pouvons faire tourner sur des machines de plus en plus puissantes elles aussi, on arrive vraiment à intégrer complètement les nuages dans ces modèles prédictifs, ou est-ce que c'est encore un peu compliqué ? Alors, on doit absolument représenter les nuages dans les modèles de simulation du climat, absolument. Mais il y a plusieurs types de modèles de simulation du climat. Il y a les modèles qui vont simuler le climat tout entier, sur toute la Terre. Et donc, c'est du fait de la limitation des moyens de calcul, on ne peut pas représenter tout ce qui se passe dans l'atmosphère à une résolution extrêmement fine. Donc, on est obligé de représenter les nuages d'une façon un petit peu statistique, je dirais. C'est-à-dire que typiquement, ces modèles globaux de climat prédisent l'évolution des vents, de la température, etc. Sur une grille dont l'espacement est typiquement de quelques centaines de kilomètres. C'est ça, les mailles de ces modèles prédictifs très larges sont d'une centaine, un peu plus. Exactement. 100, 200 kilomètres, ça dépend des endroits. C'est plus petit sur les continents, plus vaste sur les océans, c'est à peu près ça ? Non, pas forcément, c'est pareil. C'est la même résolution. D'accord. Partout. Mais les phénomènes de condensation qui conduisent à la formation de nuages se produisent à des échelles beaucoup plus petites que ça. Et donc, pour représenter les nuages dans ces modèles de grande échelle, on utilise ce qu'on appelle des paramétrisations. Donc, on essaie de représenter ce qui se passe à petite échelle sur la base de ce qu'on peut prédire à grande échelle. Et donc, c'est une branche de la modélisation climatique qui a fait beaucoup de progrès, mais ça reste toujours très compliqué de représenter tous les types de nuages avec précision. Et il y aura une des raisons pour lesquelles il reste autant d'incertitudes sur la réponse des nuages au réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a des incertitudes sur la façon dont les nuages sont représentés dans ces modèles. Voilà, on a aussi d'autres types de modèles qui sont à beaucoup plus haute résolution, qui représentent la condensation des nuages explicitement. Donc là, partout où l'air monte et où on a de la condensation, on a un nuage et on n'a pas besoin de représentation statistique pour ça. Seulement, ces modèles sont extrêmement coûteux en temps de calcul et donc en général, ils tournent sur des domaines qui sont beaucoup plus réduits. Donc, sur des petites surfaces géographiques. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour étudier un type de nuage particulier. On commence tout juste à pouvoir utiliser ce type de modèle sur des très grandes distances et à faire en sorte que les nuages qu'ils prédisent interagissent avec les mouvements de l'atmosphère à très grande échelle. La circulation générale de l'atmosphère qui est si importante dans le contrôle des nuages. On comprend bien qu'effectivement, hein, plus on a de paramètres, plus on veut être fin dans les paramètres, et bien plus la taille de la maille se réduit. Et plus, si on veut être précis, on peut être précis, mais sur une petite surface géographique. Peut-être une question tout de même, vous disiez qu'il y a des incertitudes autour des modèles statistiques de représentation des nuages. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que tous les climatologues, tous les météorologues ne sont pas tout à fait d'accord pour choisir tel type de modèle pour décrire tel type de nuages ? Oui, c'est-à-dire que ces représentations des nuages dans les modèles de grande échelle reposent sur des modèles conceptuels, en fait, qui repose le plus possible sur les lois de la physique, bien sûr, mais il y a aussi une part d'empirisme. Et selon les modèles, tous les modélisateurs n'utilisent pas les mêmes modèles conceptuels pour représenter les nuages. Donc on développe des représentations des nuages dans ces modèles qu'ensuite on évalue par comparaison à des observations. Et c'est comme ça que petit à petit, les paramétrisations s'améliorent. Qu'on voit ceux qui sont le plus proches de la réalité, ce qui se cale le mieux. François-Marie Bréon, sur cette question de la complexité de la modélisation. En fait, vous avez dit que les climatologues ne sont pas d'accord sur ces questions. C'est pas tellement qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'en fait, ils essayent des paramétrisations qui sont un peu différentes. Ils modélisent de manière différente dans les nuages, dans les modèles de climat. Mais ils ne prétendent pas que leur méthode est la meilleure. Simplement, c'est important que différents groupes le fassent de manière indépendante. Parce que ça permet de voir un petit peu ce sur quoi il y a encore de l'incertitude et ce sur quoi, finalement, si tous les modèles disent la même chose, et ben on peut dire, ok, ben c'est très probablement ça qui va se passer, c'est très probablement ça qui est la vérité. Et peut-être que dans le cas des changements climatiques, vous avez probablement entendu parler de la sensibilité climatique, mm-hmm. c'est de combien le climat va se réchauffer si, par exemple, on double la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc il y a des modèles qui vont nous dire ça va se réchauffer de 2 degrés, donc ils vont dire ça va se réchauffer de 3 degrés, d'autres de 4 degrés. Et en fait, l'essentiel de la différence entre ces modèles vient justement des manières dont ils représentent les nuages. Et donc c'est bien pour ça qu'on dit que les nuages, c'est la principale ou une des principales sources d'incertitude sur l'amplitude du changement climatique. On est certain que le changement climatique va arriver, qu'il y aura une augmentation des températures, mais combien ? Eh bien justement, ça va dépendre de ces rétroactions des nuages. Mais alors pourquoi est-ce que les nuages sont à ce point-là un facteur d'incertitude, Sandrine Bonny ? Alors, comme on disait tout à l'heure, les nuages ont un impact important sur la température globale de la planète parce qu'ils affectent en fait l'équilibre énergétique de la planète. Hein, donc, d'une part, ils refroidissent en réfléchissant le rayonnement solaire, d'autre part, ils contribuent à l'effet de serre et donc tendent à réchauffer. Et en moyenne, alors on sait ça depuis le début des années 90, on a des observations satellites qui ont mesuré l'impact des nuages sur ce qu'on appelle le bilan radiatif de la Terre, donc les échanges d'énergie entre la Terre et l'espace. Et depuis cette époque, on sait qu'en moyenne, sur toute la Terre, les nuages tendent à refroidir la Terre. Maintenant, la question... C'est-à-dire que l'effet parasol est plus important que l'effet de serre. Exactement, voilà. Mmh. Et le fait que l'effet parasol soit plus important que l'effet de serre, c'est beaucoup le fait des nuages bas, parce que les nuages qui se forment dans les toutes premières couches de l'atmosphère ont un impact important sur la réflexion du rayonnement solaire, mais ont très peu d'impact sur l'effet de serre, parce que l'amplitude de l'effet de serre nuageux dépend de la température au sommet des nuages, et quand les nuages sont bas, ils sont relativement chauds à leur sommet, donc ils ont peu d'impact sur l'effet de serre. C'est-à-dire que plus les nuages sont bas, plus ils ont d'effet parasol, moins ils ont d'effet de serre. Plus les nuages sont hauts, plus ils ont d'effet de serre, moins ils ont d'effet parasol, à peu près. Ou est-ce que c'est un peu trop simplifié ? Alors, tous les nuages peuvent avoir un impact important en termes d'effet parasol. Par contre, l'effet de serre dépend beaucoup de l'altitude du sommet des nuages. Donc, dans les nuages les plus impressionnants, par exemple les cumulonimbus, ont un impact très fort sur les deux effets. Les nuages bas ont un impact très faible dans l'effet de serre et donc ils refroidissent. Et donc, la raison pour laquelle, en moyenne, sur toute la Terre, les nuages refroidissent la Terre est beaucoup le fait des nuages bas. Donc, dans le climat présent, les nuages tendent plutôt à refroidir la Terre. Maintenant, la question, c'est de savoir si à mesure que le climat se réchauffe, est-ce que les nuages vont refroidir un peu plus ou refroidir un petit peu moins? Et c'est là-dessus que se concentre l'attention de beaucoup de climatologues, parce qu'un petit changement dans la couverture nuageuse et de ce refroidissement peut avoir un très fort impact sur la sensibilité climatique. C'est la sensibilité aux conditions initiales, c'est des équations. Même pas aux conditions initiales, c'est vraiment la sensibilité des nuages au fait que en moyenne, la Terre est plus chaude. Oui, ce que je veux dire, c'est la sensibilité aux conditions initiales, dans le sens où une petite modification a des grandes conséquences. Oui. Voilà. Un mot peut-être, François-Marie Bréon, est-ce que c'est vrai, j'ai lu en préparant cette émission, que justement ces nuages bas qui sont si importants sont par ailleurs aussi le talon d'Achille de la modélisation climatique? Eh ben, ils sont un talon d'Achille dans le sens, je pense que Sandrine en parlerait mieux que moi, mais ils sont très difficiles à modéliser correctement, en fait. Donc, il y a beaucoup de modèles de climat qui reproduisent mal même l'existence même de ces nuages-là dans le climat actuel. Et donc, évidemment, c'est difficile d'affirmer qu'on est capable de bien représenter comment ils vont évoluer dans un climat futur. Sandrine Bonny, pourquoi est-ce que c'est le talon d'Achille, ces nuages bas? Parce que certains de ces nuages se forment à des échelles toutes petites, et donc des modèles de très grande échelle, comme on disait tout à l'heure, ont du mal à représenter ce qui se passe aux toutes petites échelles. Ça ne peut se faire que par des paramétrisations, par des modèles simplifiés, et il y a des incertitudes là-dessus. Alors, on sait depuis longtemps que les nuages sont une source d'incertitude importante pour la sensibilité du climat aux gaz à effet de serre, par exemple. Ce qu'on a appris depuis une dizaine d'années, c'est qu'en fait, tous les nuages ne sont pas équivalents, en fait. Je joue pas un rôle équivalent dans cette incertitude. Et quand on analyse l'origine des incertitudes de la sensibilité climatique entre les différents modèles de climat développés dans le monde, on se rend compte que c'est essentiellement la réponse des nuages bas qui explique cette incertitude. Et on peut même raffiner le diagnostic encore un petit peu plus, et on se rend compte que ce sont les nuages qui se forment dans les zones anticycloniques où l'air en moyenne descend. à des vitesses assez faibles. Et c'est les nuages qui sont les plus incertains. Ce sont ce qu'on appelle des petits cumulus. Donc, c'est des nuages tels qu'on peut les voir par beau temps en France, par exemple, mais au-dessus des océans tropicaux, dans toute la zone où soufflent les alizés, on a ce qu'on appelle des petits cumulus, qu'on appelle des cumulus d'alizés même, qui sont très peu impressionnants. Hein. C'est des nuages qui font quelques centaines de mètres d'épaisseur, ou voire quelques kilomètres au maximum, qui sont assez petits en taille, mais qui sont extrêmement fréquents à la surface de la Terre, et des océans tropicaux en particulier, dans les zones subtropicales. Et donc un petit changement de leurs propriétés peut avoir un très gros impact sur le bilan radiatif, parce qu'ils ont un poids statistique très fort. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de majorité silencieuse des nuages. Ce n'est pas les nuages les plus impressionnants qui sont nécessairement les plus importants pour la régulation de la température de la planète. On pense que c'est plutôt ces petits nuages, ces petits cumulus qui jouent un rôle crucial dans la réponse au réchauffement climatique. Alors, le bon sens, et on sait que le bon sens n'est pas toujours bon conseiller, mais indiquerait que finalement, le réchauffement climatique faisant augmenter la température moyenne de l'atmosphère, eh bien, qui dit température plus chaude, dit plus d'évaporation, qui dit plus d'évaporation dit plus de nuages, et donc finalement on pourrait se retrouver dans une boucle là de rétroaction positive au sens positif du terme, c'est-à-dire que dire ben, plus on a de nuages, finalement plus ces nuages vont augmenter l'effet parasol et donc contribuer à endiguer un peu ce réchauffement de l'atmosphère. Or là, l'intuition n'est pas très bonne à suivre, Sandrine Bonny. Non, votre intuition est correcte. Si on avait juste une augmentation de l'évaporation, et on aurait probablement une atmosphère plus humide dans les basses couches et plus de nuages. Simplement, l'évaporation, c'est juste un des processus qui agit sur la couverture nuageuse. Et notamment les nuages bas, s'ils sont effectivement favorisés par une augmentation de l'évaporation à la surface, dépendent aussi d'autres mécanismes, d'autres processus, et notamment l'intensité du mélange, du brassage de vapeur d'eau dans les premiers kilomètres de l'atmosphère. Et ce brassage, en fait, tend à mélanger de l'air humide des basses couches avec de l'air beaucoup plus sec en altitude, à quelques kilomètres d'altitude. Et ce brassage, en fait, qui tend à sécher les basses couches de l'atmosphère, devient plus efficace dans un climat plus chaud. Et donc ça tend à assécher les basses couches de l'atmosphère, à faire diminuer les nuages bas. Et actuellement, on pense que dans un climat plus chaud, on aura tendance à avoir moins de nuages bas, essentiellement à cause de ce mécanisme qui joue plus fortement que l'augmentation de l'évaporation. Je suis pas forcément d'accord avec le bon sens tel que vous l'avez exprimé, parce que j'ai plutôt dit tout à l'heure que c'est quand l'air se refroidit qu'il y a un nuage qui apparaît, et donc je peux parfaitement dire aussi, bah tiens, s'il fait plus chaud, les nuages ils vont s'évaporer, quoi. Donc pour moi, c'est pas du tout évident que un climat plus chaud, ça veut dire plus de nuages, quoi. À la limite, je pense que je pourrais argumenter le contraire, même si je sais que c'est faux, quoi. Il y a une autre question aussi qui est liée non pas seulement au réchauffement climatique, mais là en l'occurrence à la pollution atmosphérique. On ne l'a pas tout à fait dit tout à l'heure, mais il y a la question des micro-aérosols, des nuages. Peut-être le réexpliquer, François-Marie Bréon. La formation des nuages, il y a besoin de micro-aérosols qui sont des micro-aérosols naturels. En fait, si l'air est parfaitement propre, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une sursaturation, c'est-à-dire qu'il y a plus de vapeur d'eau que normalement l'atmosphère ne peut contenir. Et donc, en fait, pour qu'il y ait une goutte d'eau qui se forme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un noyau de condensation. Et en fait, dans l'atmosphère, il y a à peu près tout le temps suffisamment de nouveaux noyaux de condensation pour que les nuages se forment. Mais il peut arriver que l'air est tellement polluée, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle contient plein de particules, que l'ensemble de la vapeur d'eau qui est disponible se répartit sur des couches. Et du coup, on va avoir, dans les zones polluées de ce type-là, on va avoir des nuages qui ont des gouttes plus petites. Et donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, hein, qui s'observe absolument, aussi bien depuis le sol, in situ, que par satellite. Et donc ces nuages qui sont plus petits, ils ont des propriétés qui sont différentes. D'une part, ils peuvent être plus brillants, hein, c'est-à-dire qu'ils vont plus réfléchir le rayonnement solaire. Et puis d'autre part, ils peuvent avoir une durée de vie qui est modifiée, justement parce que les gouttes qui sont plus petites, elles vont pas coalescer de la même manière, et donc elles vont pas générer de la pluie de la même manière. Donc ça va peu. Donc cette pollution, en fait, qui d'une part existe de manière naturelle, mais la pollution c'est une addition qui est apportée par l'homme, peuvent conduire à des modifications des propriétés nuageuses. Est-ce que justement ça peut aussi conduire cette prolifération des micro-aérosols dans l'atmosphère à augmenter la quantité de nuages, ou est-ce que c'est totalement décorrélé ? C'est plutôt, je dirais plutôt que ça va modifier, au premier ordre, ça va d'abord modifier leurs propriétés optiques et physiques, et dans un deuxième temps, ça peut aussi modifier leur durée de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, est regardé. Et en fait, quand on regarde l'impact humain sur le climat, donc il y a les fameux gaz à effet de serre qui conduisent à réchauffer le climat, mais les aérosols, cette pollution, conduit plutôt à refroidir le climat, et à peu près la moitié de l'effet, on pense, de manière très incertaine, hein, il y a des grosses barres d'incertitude dessus, mais c'est lié justement à l'impact des aérosols avec les nuages qui ont donc plutôt tendance à refroidir le climat. Mais ça, c'est essentiellement au cours du XXe siècle. Au cours du XXIe siècle, la situation sera assez différente dans la mesure où là, la perturbation du climat par les gaz à effet de serre devient tellement importante qu'elle domine vraiment largement la perturbation des nuages par rapport à l'effet des aérosols. Alors, je n'avais pas prévu de poser la question, mais puisqu'un auditeur vient de me la poser sur Twitter, je vais vous la poser malgré tout. Quid des nuages créés par les avions? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que les avions créent plus de nuages ou pas, François-Marie? Les avions créent des nuages, hein, c'est des choses que chacun peut observer. Pour rappeler que c'est de la condensation. Il y a des chercheurs qui ont essayé de mettre de quantifier quelle est la perturbation sur le climat qui est induite par ces avions. Donc c'est pas complètement nul, mais par rapport aux autres perturbations dont on parle aujourd'hui, c'est très faible. Mais c'est regardé. D'accord. Rappelez que ces traînées blanches qu'on voit dans le ciel, c'est vraiment de la pure condensation de vapeur d'eau. C'est de l'eau. C'est vraiment un nuage. C'est-à-dire c'est de l'eau liquide ou solide, plutôt solide pour les avions, qui est en suspension dans l'atmosphère. Et pour ceux qui imagineraient que les avions répandent des produits chimiques, je vous renvoie au numéro des Idées Claires qui était consacré à ces fameux chemtrails, qui sont une sorte de fantasme contemporain un peu délirant. Peut-être un mot encore sur ces modèles et sur ces liens pour essayer de les préciser, hein, Sandrine Bonny, entre le réchauffement climatique et les nuages. J'ai lu que l'augmentation de la température pousse les nuages d'altitude à s'élever davantage. Oui. En fait, on commence assez bien à comprendre ce qui contrôle l'altitude du sommet des nuages convectifs. Donc, ces gros nuages cumulonimbus qui se forment notamment dans les tropiques, mais pas seulement. Et en fait, bon, c'est un petit peu compliqué d'expliquer en détail le mécanisme, mais l'altitude de ces nuages est pilotée par la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui dépend de la température. Et à mesure que le climat se réchauffe, ces nuages vont avoir tendance à s'élever en même temps que les isothermes, mais la température au sommet de ces nuages restera approximativement constante. Et cette réponse, donc, qui est bien comprise physiquement, qui est reproduite par tous les modèles de simulation du climat et qui est aussi observée, c'est un des mécanismes par lesquels la réponse des nuages au réchauffement peut amplifier le réchauffement. C'est pas le principal mécanisme amplificateur, mais c'est un des mécanismes par lesquels la réponse des nuages amplifie le réchauffement. Et du coup, si je comprends bien, aujourd'hui on a manifestement des schémas qui indiquent l'influence, hein, de ce réchauffement climatique sur les nuages bas. Est-ce que on a d'autres indices qui nous permettraient de comprendre comment ce réchauffement climatique peut influencer sur les nuages à d'autres couches de l'atmosphère, ou est-ce que là il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur Sandrine Bonny? Alors il y a beaucoup de types de nuages, hein, sur Terre, oui. Donc on peut s'intéresser aux réponses des différents types de nuages. Par exemple, les nuages à nos latitudes, aux moyennes latitudes, seront affectés par différentes choses. D'abord, on pense que leur position va changer en latitude. Les nuages à nos latitudes sont très liés à ce qu'on appelle les perturbations de grande échelle, donc ce sont les grands tourbillons qu'on voit sur les images satellites. Hein. Pour différentes raisons, on pense que la position de ces tourbillons peut changer dans un climat plus chaud, peut-être se rapprocher un peu plus près des pôles. Et donc ça peut affecter la position des nuages et donc des pluies, mais aussi les propriétés des nuages. Les nuages donc convectifs, on en a parlé tout à l'heure, peuvent s'élever en altitude. Ils peuvent aussi également se réduire en surface occupée. Ça, c'est des mécanismes sur lesquels on travaille. Et puis les nuages bas, c'est encore d'autres types de mécanismes qui peuvent conduire à une diminution des nuages bas dans un climat plus chaud. François-Marie Bréon, en tout cas, on est sûr en tout cas, qu'il y a des effets. Le problème, c'est qu'on est encore... il est encore difficile de les quantifier précisément. En fait, on peut les quantifier, mais la chose est que quand compare les résultats de différents modèles de climat, eh ben, on a des résultats qui, pour certains, sont similaires. Donc, on peut dire, bah, tiens, ça, c'est très probablement ça qui est la vérité. Et puis, pour d'autres processus ou d'autres impacts qui sont différents. Et donc, c'est là qu'on va dire, bah, ça, du coup, on n'est pas sûr. Et donc, il est nécessaire de continuer à travailler dessus. Et je pense que, justement, cette diversité des modèles de climat et cette diversité des modèles de nuages est important justement pour pouvoir vraiment quantifier le degré de certitude qu'on a sur les différents impacts du changement climatique. Est-ce qu'il est trop tôt ou trop pessimiste de dire qu'aujourd'hui le réchauffement climatique, l'effet du réchauffement climatique sur les nuages va avoir un effet plutôt amplificateur que régulateur ? Sandrine Bonny. On tend de plus en plus à penser que ça aura un effet amplificateur pour plein de raisons. Ces raisons-là ne reposent pas que sur la modélisation. En fait, pour avoir confiance dans les résultats de la modélisation climatique, il y a tout un tas de facteurs qui interviennent. Dans ce que simulent les modèles, il y a toujours deux choses. Il y a une part dans laquelle on a vraiment confiance, qu'on pense être robuste parce que ça dépend assez peu des incertitudes des modèles, parce qu'on comprend physiquement comment ça se passe, parce que ce sont des comportements qui ont été testés par rapport à des observations, etc. Donc on a confiance dans ces résultats de modèles. Et puis, il y a une partie des résultats de modèles dans lesquels on a moins confiance, parce qu'ils sont très différents d'un modèle à l'autre, parce qu'ils dépendent énormément des paramètres incertains du modèle, parce qu'on ne les a pas forcément observés. Donc, en fait, il faut imaginer notre compréhension du changement climatique et notre appréciation de la crédibilité des résultats de modèles, non pas comme un château de cartes, c'est-à-dire un ensemble de faits ou de connaissances, et s'il en manque une, tout s'écroule et on ne peut plus rien dire. Il faut plutôt imaginer ça comme un puzzle, c'est-à-dire qu'on a des tas de connaissances qui se complètent peu à peu, quand on a une nouvelle connaissance, une nouvelle pièce du puzzle qu'on arrive à placer par rapport aux autres pièces, qui est cohérente avec ce qu'on savait avant, avec ce qui est observé, avec plein d'autres éléments, à ce moment-là, on commence à avoir confiance dans ce résultat. Et donc, vraiment, notre compréhension du changement climatique, c'est ça. C'est un puzzle, beaucoup plus qu'un château de cartes. Et donc, c'est pas parce qu'il reste des incertitudes, il y a des pièces du puzzle qu'on ne sait pas encore placer. C'est pas pour autant qu'on ne peut rien dire et qu'on ne comprend rien à ce qui se passe en changement climatique. Et pour rajouter des pièces au puzzle, peut-être pour conclure, un mot sur la mission Eureka qui doit permettre de cartographier, d'avoir une vision plus précise de ce qui se passe en Atlantique Nord, qui doit être lancée l'année prochaine. Voilà, alors dans la mesure où les principales incertitudes sur l'amplitude du réchauffement viennent de la réponse des nuages bas, on organise une campagne internationale l'année prochaine au-dessus de l'Atlantique qui va se focaliser sur comprendre les mécanismes qui contrôlent les nuages bas, notamment les petits cumulus dont je parlais tout à l'heure, et surtout la façon dont ils interagissent avec leur environnement. Donc on va observer les nuages, mais aussi pas seulement les nuages, aussi la circulation de l'air autour, la turbulence, l'évaporation, etc. Eh bien, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler dans la méthode scientifique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sandrine Bonny, merci François-Marie Bréhon d'être venus nous parler des nuages et de leurs liens avec les modèles de réchauffement climatique. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Tom Himmenstock, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozère et Éléonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Florent Bujon à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, suite aux deux crashs aériens impliquant un Boeing 737 MAX, nous essayerons de comprendre comment a évolué le pilotage des avions, comment il fait la part entre le pilotage manuel et l'automatisation, jusqu'à peut-être un jour, pourquoi pas, supprimer totalement le facteur humain. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.